Chapitre 11e. En quittant Nantes, je marchais pendant un jour et deux nuits sans m'arrêter dans aucun village. Mes provisions m'en dispensèrent. J'allais au hasard, quoique toujours décidé à gagner Paris ou les bords de la mer, espérant être reçu à bord de quelque navire, lorsque j'arrivai aux premières habitations d'une ville qui me parut avoir été récemment le théâtre d'un combat. La plupart des maisons n'étaient plus qu'un tas de décombres noircis par le feu. Toutes celles qui entouraient la place avaient été complètement détruites. Il ne restait debout que la tour de l'église où l'horloge sonnait encore les heures pour des habitants qui n'existaient plus. Cette scène de désolation présentait en même temps les accidents les plus bizarres. Sur le seul pan de mur qui resta d'une auberge, on lisait encore ces mots « Bon logis à pied et à cheval ». Là, des soldats abreuvaient leurs chevaux dans le bénitier d'une chapelle. Plus loin, leurs camarades y dansaient au son de l'orgue, avec des femmes du pays, que l'abandon et la misère forçaient à se prostituer au bleu pour un pain de munitions. Aux traces de cette guerre d'extermination, on eût pu se croire au milieu des savanes de l'Amérique, ou des oasis du désert, alors que des peuplades barbares s'égorgeaient avec une rage aveugle. Il n'y avait pourtant eu là, des deux côtés, que des Français, mais tous les fanatismes s'y étaient donné rendez-vous. J'étais dans la Vendée, à Cholet. Le maître d'un misérable cabaret couvert en genêt, dans lequel je m'étais arrêté, me suggéra un rôle en me demandant si je venais à Cholet pour le marché du lendemain. Je répondis affirmativement, fort étonné d'abord, qu'on se réunit au milieu de ces ruines, ensuite que les cultivateurs des environs eussent encore quelque chose à vendre. Mais l'hôte me fit observer qu'on n'amenait guère à ce marché que des bestiaux de cantons assez éloignés. D'un autre côté, quoiqu'on n'eût encore rien fait pour réparer les désastres de la guerre, la pacification avait été presque terminée par le général Hoche, et si l'on voyait encore des soldats républicains dans le pays, c'était surtout pour contenir les chouans qui pouvaient devenir redoutables. Je me trouvais au marché de grand matin, et songeant à tirer parti de la circonstance, je m'approchai d'un marchand de bœufs dont la figure me revenait, en le priant de m'entendre un instant. Il me regarda d'abord avec quelque méfiance, me prenant peut-être pour quelque espion, mais je m'empressai de le rassurer en lui disant qu'il s'agissait d'une affaire purement personnelle. Nous entrâmes alors sous un hangar où l'on vendait de l'eau-de-vie. Je lui racontai succinctement qu'ayant déserté de la 36e demi-brigade pour voir mes parents qui habitaient Paris, je désirais vivement trouver une place qui me permît de me rendre à ma destination sans craindre d'être arrêté. Ce brave homme me répondit qu'il n'avait pas de place à me donner, mais que si je voulais toucher, c'est-à-dire conduire, un troupeau de bœufs jusqu'à Sceaux, il pourrait m'y emmener avec lui. Jamais proposition ne fut acceptée avec plus d'empressement. J'entrai immédiatement en fonction, voulant rendre à mon nouveau patron les petits services qui dépendaient de moi. Dans l'après-midi, il m'envoya porter une lettre chez une personne de la ville qui me demanda si mon maître ne m'avait pas chargé de rien recevoir. Je répondis négativement. « C'est égal, » me dit cette personne, qui était, je crois, un notaire. « Vous lui remettrez toujours ce sac de 300 francs. » Je livrai finalement la somme au marchand de bœufs, auquel mon exactitude parut inspirer quelque confiance. On partit le lendemain. Au bout de 3 jours de route, mon patron me fit appeler. « Louis, » me dit-il, « sais-tu écrire ?»« Oui, monsieur. »« Compter ?»« Oui, monsieur. »« Tenir un registre ?»« Oui, monsieur. » »« Eh bien, comme j'ai besoin de me détourner de la route pour aller voir des bœufs maigres à Saint-Goburge, tu conduiras les bœufs à Paris avec Jacques et Saturnin. Tu seras maître garçon. » Il me donna ensuite ses instructions et partit. En raison de l'avancement que je venais d'obtenir, je cessai de voyager à pied, ce qui améliora sensiblement ma position. Car les toucheurs de bœufs fantassins sont toujours ou étouffés par la poussière qu'élèvent les bestiaux ou enfoncés jusqu'aux genoux dans la boue que leur passage augmente encore. J'étais d'ailleurs mieux payé, mieux nourri, mais je n'abusais pas de ces avantages comme je le voyais faire à la plupart des maîtres garçons qui suivaient la même route. Tandis que le fourrage des bestiaux se transformait pour eux en poularde et en gigots de moutons, ou qu'ils s'en faisaient tenir compte par les aubergistes, les pauvres animaux dépérissaient à vue d'œil. Je me conduisis plus loyalement. Aussi, en nous retrouvant à Verneuil, mon maître, qui nous avait devancés, me fit-il des compliments sur l'état du troupeau. Arrivé à Sceaux, mes bêtes valaient 20 francs de plus par tête que toutes les autres, et j'avais dépensé 90 francs de moins que mes confrères pour mes frais de route. Mon maître, enchanté, me donna une gratification de 40 francs et me cita parmi tous les herbagers comme l'Aristide des toucheurs de bœufs. Je fus en quelque sorte mis à l'ordre du jour du marché de Sceaux. En revanche, mes collègues m'auraient assommé de bon cœur. Un d'eux, gars bas normand, connu pour sa force et son adresse, tenta même de me dégoûter du métier en se chargeant de la vindicte publique, mais que pouvait un russe trépé contre l'élève du grand goupil. Le bas normand succomba dans un des plus mémorables combats à coups de poing dont les habitués du marché aux vaches grasses eussent gardé le souvenir. Ce triomphe fut d'autant plus glorieux que j'avais mis beaucoup de modération dans ma conduite et que je n'avais consenti à me battre que lorsqu'il n'était plus possible de faire autrement. Mon maître, de plus en plus satisfait de moi, voulut absolument me garder à l'année comme maître garçon en me promettant un petit intérêt dans son commerce. Je n'avais pas reçu de nouvelles de ma mère. Je trouvais là les ressources que je venais chercher à Paris. Enfin, mon nouveau costume me déguisait si bien que je ne craignais nullement d'être découvert dans les excursions fréquentes que je fis à Paris. Je passai en effet auprès de plusieurs personnes de ma connaissance qui ne firent même pas attention à moi. Un soir, cependant, que je traversais la rue Dauphine pour gagner la barrière d'enfer, je me sentis frappé sur l'épaule. Ma première pensée fut de fuir sans me retourner. Attendu que celui qui vous arrête ainsi compte sur ce mouvement pour vous saisir. Mais un embarras de voiture barrait le passage, j'attendis l'événement, et d'un coup d'œil, je reconnus que j'avais eu la panique. Celui qui m'avait fait si grand peur n'était autre que Villedieu, ce capitaine du 13e chasseur bis, avec lequel j'avais été intimement lié à Lille. Quoique surpris de me voir avec un chapeau couvert de toile cirée, une blouse et des guêtres de cuir, il me fit beaucoup d'amitié et m'invita à souper, en me disant qu'il avait à me raconter des choses bien extraordinaires. Pour lui, il n'était pas en uniforme, mais cette circonstance ne m'étonna pas, les officiers prenant ordinairement des habits bourgeois quand ils séjournent à Paris. Ce qui me frappa, ce fut son air inquiet et son extrême pâleur. Comme il témoigna l'intention de souper hors barrière, nous prîmes un fiacre qui nous conduisit jusqu'à Sceaux. Arrivés au grand cerf, nous demandâmes un cabinet. À peine fûmes-nous servis que Villedieu, fermant la porte à double tour et mettant la clé dans sa poche, me dit, les larmes aux yeux et d'un air égaré, « Mon ami, je suis un homme perdu. Perdu, on me cherche. Il faut que tu me procures des habits semblables aux tiens. Et si tu veux, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Nous partirons ensemble pour la Suisse. Je connais ton adresse pour les évasions. Il n'y a que toi qui puisses me tirer de là. » Ce début n'avait rien de trop rassurant pour moi. Déjà assez embarrassé de ma personne, je ne me souciais pas du tout de mettre contre moi une nouvelle chance d'arrestation en me réunissant un homme qui, poursuivi avec activité, devait me faire découvrir. Ce raisonnement que je fis in petto me décidait à jouer serré avec Villedieu. Je ne savais d'ailleurs nullement de quoi il s'agissait. À Lille, je l'avais vu faire plus de dépenses que n'en comportait sa solde, mais un officier jeune et bien tourné a tant de moyens de se procurer de l'argent que personne n'y faisait attention. Je fus donc fort surpris de l'entendre me raconter ce qu'on va lire. Je ne te parlerai pas des circonstances de ma vie qui ont précédé notre connaissance. Il te suffira de savoir qu'aussi brave et aussi intelligent qu'un autre, poussé de plus par d'assez puissants protecteurs, je me trouvais, à 34 ans, capitaine de chasseurs, quand je te rencontrai à Lille au café de la montagne. Là, je me liai avec un individu dont les formes honnêtes me prévinrent en sa faveur. Insensiblement, ses relations devinrent plus intimes, si bien que je fus reçu dans son intérieur. Il y avait beaucoup d'aisance dans la maison, on y était pour moi aux petits soins, et si monsieur le maire était bon convive, madame le maire était charmante. Bijoutier, voyageant avec les objets de son commerce, il faisait de fréquentes absences de 6 ou 8 jours. Je n'en voyais pas moins son épouse, et tu devines déjà que je fus bientôt son amant. Le maire ne s'aperçut de rien, ou ferma les yeux. Ce qu'il y a de certain, c'est que je menais la vie la plus agréable quand, un matin, je trouvai Joséphine en pleurs. Son mari venait, me dit-elle, d'être arrêté à Courtrai avec son commis pour avoir vendu des objets non contrôlés, et comme il était probable qu'on viendrait visiter son domicile, il fallait tout enlever au plus vite. Les effets les plus précieux furent en effet emballés dans une malle et transportés à mon logement. Alors Joséphine me pria de me rendre à Courtrai, où l'influence de mon grade pourrait être utile à son mari. Je n'hésitais pas un instant. J'étais si vivement épris de cette femme qu'il semblait que j'eusse renoncé à l'usage de mes facultés pour ne penser que ce qu'elle pensait, ne vouloir que ce qu'elle voulait. La permission du colonel obtenue, j'envoyai chercher des chevaux, une chaise de poste et je partis avec l'express qui avait apporté la nouvelle de l'arrestation de Lemaire. La figure de cet homme ne me revenait pas du tout. Ce qui m'avait d'abord indisposé contre lui, c'était de l'entendre tutoyer Joséphine et la traiter avec beaucoup d'abandon. À peine monté dans la voiture, il s'installa dans un coin, s'y mit à son aise et dormit jusqu'à Menin, où je fis arrêter pour prendre quelque chose. Paraissant s'éveiller en sursaut, il me dit familièrement « Capitaine, je ne voudrais pas descendre. Faites-moi le plaisir de m'apporter un verre d'eau-de-vie. » Assez surpris de ce ton, je lui envoyai ce qu'il demandait par une fille de service, qui revint aussitôt me dire que mon compagnon de voyage n'avait pas répondu, que sans doute il dormait. Force me fut de retourner à la voiture, où je vis mon homme, immobile dans son coin, la figure couverte d'un mouchoir. « Dormez-vous ? » lui dis-je à voix basse. « Non, » répondit-il, « et je n'en ai guère envie. Mais pourquoi diable m'envoyez-vous une domestique quand je vous dis que je ne me soucie pas de montrer ma face à ces gens-là ? » Je lui apportai le verre d'eau-de-vie, qu'il avala d'un trait. Nous partîmes ensuite. Comme il ne paraissait plus disposé à dormir, je le questionnai légèrement sur les motifs qui l'engageaient à garder l'incognito et sur l'affaire que j'allais traiter à court trait sans en connaître les détails. Il me dit, très succinctement, que Lemaire était prévenu de faire partie d'une bande de chauffeurs, et il ajouta qu'il n'en avait rien dit à Joséphine, dans la crainte de l'affliger davantage. Cependant, nous approchions de Courtrai. À 400 pas de la ville, mon compagnon cria au postillon d'arrêter un moment. Il met une perruque, cachée dans la forme de son chapeau, se colle un large emplâtre sur l'œil gauche, tire de son gilet une paire de pistolets doubles, change les amorces, les replace au même endroit, ouvre la portière, saute à terre et disparaît. Toutes ces évolutions dont je ne connaissais pas le but ne laissaient pas que de me donner quelques inquiétudes. L'arrestation de Lemaire n'était-elle qu'un prétexte? M'attirait-on dans un piège? Voulait-on me faire jouer un rôle dans quelque intrigue, dans quelque mauvaise affaire? Je ne pouvais me résoudre à le croire. Cependant, j'étais fort incertain sur ce que j'avais à faire, et je me promenais à grands pas dans une chambre de l'hôtel du Damier, où mon mystérieux compagnon m'avait conseillé de descendre, quand la porte s'ouvrant tout à coup me laissa voir Joséphine. À son aspect, tous mes soupçons s'évanouirent. Cette brusque apparition, ce voyage précipité, fait sans moi, à quelques heures de distance, tandis qu'il eût été si simple de profiter de la chaise, eussent dû cependant les redoubler. Mais j'étais amoureux, et quand Joséphine m'eut dit qu'elle n'avait pu supporter l'idée de l'absence, je trouvais la raison excellente et sans réplique. Il était 4 heures après-midi, Joséphine s'habille, sort et ne rentre qu'à 10 heures, accompagnée d'un homme habillé en cultivateur du pays de Liège, mais dont la tenue et l'expression de physionomie ne répondaient nullement à ce costume. On servit quelques rafraîchissements. Les domestiques sortirent. Aussitôt Joséphine, se jetant à mon cou, me supplia de nouveau de sauver son mari en me répétant qu'il ne dépendait que de moi de lui rendre ce service. Je promis tout ce qu'on voulut. Le prétendu paysan, qui avait jusque-là gardé le silence, prit la parole en fort bons termes et m'exposa ce qu'il y avait à faire. Lemaire, me dit-il, arrivait à Courtrai avec plusieurs voyageurs qu'il avait rencontrés sur la route sans les connaître, quand ils avaient été entourés par un détachement de gendarmerie qui les sommait au nom de la loi d'arrêter. Les étrangers s'étaient mis en défense, des coups de pistolet avaient été échangés, et Lemaire, resté seul avec son commis sur le champ de bataille, avait été saisi sans qu'il fît aucun effort pour se sauver, persuadé qu'il n'était pas coupable et qu'il n'avait rien à craindre. Il s'élevait cependant contre lui des charges assez fortes. Il n'avait pas pu rendre un compte exact des affaires qui l'amenaient dans le canton, attendu, me dit le faux paysan, qu'il faisait en ce moment la contrebande. Puis, on avait trouvé dans un buisson 2 paires de pistolets qu'on assurait y avoir été jetés par lui et par son commis au moment où on les avait arrêtés. Enfin, une femme m'assurait l'avoir vu la semaine précédente sur la route de Gand avec les voyageurs qu'il prétendait n'avoir rencontrés que le matin de l'engagement avec les gendarmes. Dans ces circonstances, ajouta mon interlocuteur, il faut trouver un moyen de prouver, premièrement, que Lemaire n'a quitté l'île que depuis 3 jours et qu'il y résidait depuis 1 mois. Deuxièmement, qu'il n'a jamais porté de pistolet. Troisièmement, qu'avant de partir, il a touché de quelque 60 louis. Cette confidence eut dû m'ouvrir les yeux sur la nature des démarches qu'on exigeait de moi. Mais, enivré par les caresses de Joséphine, je repoussais des pensées importunes en m'efforçant de m'étourdir sur un funeste avenir. Nous partîmes tous trois, la même nuit, pour l'île. En arrivant, je courus toute la journée pour faire les dispositions nécessaires. Le soir, j'eus tous mes témoins. Leurs dépositions ne furent pas plus tôt parvenues à Courtrai que le maire et son commis recouvrèrent leur liberté. On juge de leur joie. Elle me parut si excessive que je ne pus m'empêcher de faire la réflexion qu'il fallait que le cas fût bien critique pour que leur libération excitât de pareils transports. Le lendemain de son arrivée, dînant chez le maire, je trouvai dans ma serviette un rouleau de 100 louis. J'eus la faiblesse de les accepter. Dès lors, je fus un homme perdu. Jouant gros jeu, traitant mes camarades, faisant de la dépense, j'eus bientôt dissipé cette somme. Le maire me faisant chaque jour de nouvelles offres de service, j'en profitai pour lui faire divers emprunts qui se montèrent à 2000 francs sans que j'en fusse plus riche ou du moins plus raisonnable. 1500 francs empruntés à un juif sur une traite en blanc de 1000 écus et 25 louis que m'avait avancé le quartier maître disparurent avec la même rapidité. Je dissipai enfin jusqu'à une somme de 500 francs que mon lieutenant m'avait prié de lui garder jusqu'à l'arrivée de son marchand de chevaux auquel il la devait. Cette dernière somme fut jouée et perdue dans une soirée au café de la montagne contre un homme écarré qui avait déjà ruiné la moitié du régiment. La nuit qui suivit fut affreuse, tour à tour agitée par la honte d'avoir abusé d'un dépôt qui formait toute la fortune du lieutenant, par la rage de me trouver dupe et par le désir effréné de jouer encore, je fus 20 fois tenté de me faire sauter la cervelle. Lorsque les trompettes sonnèrent le réveil, je n'avais pas encore fermé l'œil. J'étais de semaine. J'ai descendu pour passer l'inspection des écuries. La première personne que j'ai rencontrée fut le lieutenant, qui me prévint que son marchand de chevaux étant arrivé, il fallait envoyer chercher ses 500 francs par son domestique. Mon trouble était si grand que je répondis sans savoir ce que je disais. L'obscurité de l'écurie l'empêcha seul de s'en apercevoir. Il n'y avait plus un instant à perdre si je voulais éviter d'être à jamais perdu des réputations auprès de mes chefs et de mes camarades. Dans cette position terrible, il ne m'était pas même venu dans la pensée de m'adresser à le maire, tant je croyais avoir abusé déjà de son amitié. Je n'avais cependant plus d'autres ressources. Enfin, je me décidai à l'informer par un billet de l'embarras de ma situation. Il accourut aussitôt, et déposant sur ma table 2 tabatières d'or, 3 montres et 12 couverts armoiriés, il me dit qu'il n'avait pas d'argent pour le moment, mais que je m'en procurerais facilement en mettant au mot de piété ses valeurs qu'il laissait à ma disposition. Après m'être confondu en remerciements, j'envoyai engager le tout par mon domestique qui me rapporta 1200 francs. Je remboursai d'abord le lieutenant, puis, conduit par ma mauvaise étoile, je volai au café de la montagne où Carré, après s'être longtemps fait prier pour donner une revanche, fit passer de ma bourse dans la sienne les 700 francs qui me restaient. Tout étourdi de ce dernier coup, j'errai quelque temps au hasard dans les rues de l'île, roulant dans ma tête 1000 projets funestes. C'est dans cette disposition que j'arrivais, sans m'en apercevoir, à la porte de Lemaire. J'entrai machinalement. On allait se mettre à table. Joséphine, frappée de mon extrême pâleur, me questionna avec intérêt sur mes affaires et sur ma santé. J'étais dans un de ces moments d'abattement où la conscience de sa faiblesse rend expansif l'homme le plus réservé. J'avouai toutes mes profusions, en ajoutant qu'avant 2 mois, j'aurais payé plus de 4000 francs dont je ne possédais pas le premier sou. À ces mots, le maire me regarde fixement, et avec un regard que je n'oublierai de ma vie, fut-elle encore bien longue. « Capitaine, me dit-il, je ne vous laisserai pas dans l'embarras. Mais une confidence en vaut une autre. On n'a rien à cacher à un homme qui vous a sauvé de... » Et avec un rire atroce, il se passe la main gauche autour du cou. Je frémis. Je regardais Joséphine. Elle était calme. Ce moment fut affreux. Sans paraître remarquer mon trouble, le maire continuait son épouvantable confidence. J'appris qu'il faisait partie de la bande de Salambier, que lorsque les gendarmes l'avaient arrêté près de Courtrai, il venait de commettre un vol, à main armée, dans une maison de campagne des environs de Gand. Les domestiques ayant voulu se défendre, on en avait tué 3, et 2 malheureuses servantes avaient été pendues dans un cellier. Les objets que j'avais engagés provenaient du vol qui avait suivi ces assassinats. Après m'avoir expliqué comment il avait été arrêté près de Courtrai, en soutenant la retraite, le maire ajouta que désormais, il ne tiendrait qu'à moi de réparer mes pertes et de remonter mes affaires en prenant seulement part à 2 ou 3 expéditions. J'étais anéanti. Jusqu'alors, la conduite de le maire, les circonstances de son arrestation, le genre de service que je lui avais rendu me paraissaient bien suspects. mais j'éloignais soigneusement de ma pensée tout ce qui eût pu convertir mes soupçons en certitude. Comme agité par un affreux cauchemar, j'attendais le réveil, et le réveil fut plus affreux encore. « Eh bien, » dit Joséphine en prenant un air pénétré, « vous ne répondez pas. Ah, je le vois, nous avons perdu votre amitié. J'en mourrai. » Elle fondait en pleurs, ma tête s'égara. Oubliant la présence de le maire, je me précipite à ses genoux comme un insensé en m'écriant « Moi, vous quittez ? Non, jamais, jamais !» Les sanglots me coupèrent la voix. Je vis une larme dans les yeux de Joséphine, mais elle reprit aussitôt sa fermeté. Pour le maire, il nous offrit de la fleur d'orange aussi tranquillement qu'un cavalier présente une glace à sa danseuse au milieu d'un bal. Me voilà donc enrôlé dans cette bande, l'effroi des départements du Nord, de la Lys et de l'Escaut. En moins de 15 jours, je fus présenté à Salambier, dans qui je reconnus le paysan liégeois, à Duhamel, à Chopine, à Calandrin et aux principaux chauffeurs. Le premier coup de main auquel je pris part eut lieu aux environs de Douai. La maîtresse de Duhamel, qui faisait partie de l'expédition, nous introduisit dans un château où elle avait servi comme femme de chambre. Les chiens ayant été empoisonnés par un élagueur d'arbre employé dans la maison, nous n'attendîmes même pas pour exécuter notre projet que les maîtres fussent couchés. Aucune serrure ne résistait à Calandrin. Nous arrivâmes, dans le plus grand silence, à la porte du salon. La famille, composée du père, de la mère, d'une grand-tante, de 2 jeunes personnes et d'un parent en visite, faisait la bouillotte. On n'entendait que ces mots, répétés d'une voix monotone. « Passe, tiens, je fais Charlemagne. » Quand Salambier, tournant brusquement le bouton de la porte, parut, suivi de 10 hommes barbouillés de noir, le pistolet ou le poignard à la main. À cet aspect, les cartes tombèrent des mains à tout le monde. Les demoiselles voulurent crier. D'un geste, Salambier leur imposa silence. Pendant qu'un des nôtres, montant avec l'agilité d'un singe sur la tablette de la cheminée, coupait au plafond les 2 cordons de sonnette. Les femmes s'évanouirent. On n'y fit pas attention. Le maître de la maison, quoique fort troublé, conservait seul quelque présence d'esprit. Après avoir 20 fois ouvert la bouche sans trouver une parole, il parvint enfin à demander ce que nous voulions. « De l'argent, » répondit Salambier, dont la voix me parut toute changée. Et prenant le flambeau de la table de jeu, il fit signe au propriétaire de le suivre dans une pièce voisine, où nous savions qu'étaient déposés l'argent et les bijoux. C'était exactement Don Juan précédant la statue du commandeur. Nous restâmes sans lumière, immobiles à nos postes, n'entendant que les soupirs étouffés des femmes, le bruit de l'argent et ces mots « Encore, encore !» que Salambier répétait de temps en temps d'un ton sépulcral. Au bout de 20 minutes, il reparut avec un mouchoir rouge, noué par les coins et rempli de pièces de monnaie. Les bijoux étaient dans ses poches. Pour ne rien négliger, on prit à la vieille tante et à la mère leurs boucles d'oreilles, ainsi que sa montre aux parents qui choisissaient si bien son temps pour faire ses visites. On partit enfin, après avoir soigneusement enfermé toute la société, sans que les domestiques, déjà couchés depuis longtemps, se fussent même doutés de l'invasion du château. Je pris part encore à plusieurs autres coups de main qui présentèrent plus de difficultés que celui que je viens de te raconter. Nous éprouvions de la résistance, ou bien les propriétaires avaient enfoui leur argent, et pour le leur faire livrer, on leur faisait endurer les traitements les plus barbares. Dans le principe, on s'était borné à leur brûler la plante des pieds avec des pelles rougies au feu. Mais, adoptant des modes plus expéditifs, on en vint arracher les ongles entêtés et les gonfler comme des ballons avec un soufflet. Quelques-uns de ces malheureux, n'ayant réellement pas l'argent qu'on leur supposait, périssaient au milieu des tortures. Voilà, mon ami, dans quelle carrière était entré un officier bien né, que 12 ans de bon service, quelques actions d'éclat et le témoignage de ses camarades, entouré d'une estime qu'il cessait de mériter depuis longtemps et qu'il allait bientôt perdre sans retour. Ici, Villedieu s'interrompit et laissa tomber sa tête sur sa poitrine, comme accablé par ses souvenirs. Je le laissais s'y livrer un moment, mais les noms qu'il citait m'étaient trop connus pour que je ne prisse pas son récit un vif intérêt de curiosité. Quelques verres de champagne lui rendirent de l'énergie. Il continua en ces termes. Cependant, les crimes se multipliaient dans une progression tellement effrayante que la gendarmerie ne suffisant plus à la surveillance, on organisa des colonnes mobiles prises dans les garnisons de diverses villes. Je fus chargé d'en diriger une. Tu comprends que la mesure eut un effet tout contraire à celui qu'on en attendait, puisque, averti par moi, les chauffeurs évitaient les endroits que je devais parcourir avec mon monde. Les choses n'en allèrent donc que plus mal. L'autorité ne savait plus quel parti prendre. Elle apprit toutefois que la plupart des chauffeurs résidaient à Lille, et l'ordre fut aussitôt donné de redoubler de surveillance aux portes. Nous trouvâmes pourtant moyen de rendre vaines ces nouvelles précautions. Salambier se procura chez ses fripiers de ville de guerre, qui habillerait tout un régiment, 15 uniformes du 13e chasseur. On en affubla un pareil nombre de chauffeurs qui, m'ayant à leur tête, sortirent à la brune comme allant en détachement pour une mission secrète. Quoique ce stratagème eût complètement réussi, je crus m'apercevoir que j'étais l'objet d'une surveillance particulière. Le bruit se répandit qu'il rôdait aux environs de l'île des hommes travestis en chasseurs à cheval. Le colonel paraissait se méfier de moi. Un de mes camarades fut désigné pour alterner avec moi dans le service des colonnes mobiles qu'auparavant je dirigeais seul. Au lieu de me donner l'ordre la veille, comme aux officiers de gendarmerie, on ne me le faisait connaître qu'au moment du départ. On m'accusa enfin assez directement pour me mettre dans la nécessité de m'expliquer vis-à-vis du colonel, qui ne me dissimula pas que je passais pour avoir des rapports avec les chauffeurs. Je me défendis tant bien que mal, les choses en restèrent là. Seulement je quittai le service des colonnes mobiles, qui commencèrent à déployer une telle activité que les chauffeurs osaient à peine sortir. Salambier, ne voulant pas toutefois languir si longtemps dans l'inaction, redoubla d'audace à mesure que les obstacles se multipliaient autour de nous. Dans une seule nuit, il commit 3 vols dans la même commune. Mais les propriétaires de la première des maisons attaquées, s'étant débarrassés de leurs baillons et de leurs liens, donnèrent l'alarme. On sonna le tocsin à 2 lieues à la ronde, et les chauffeurs ne durent leur salut qu'à la vitesse de leurs chevaux. Les 2 frères Salambier furent surtout poursuivis avec tant d'acharnement que ce ne fut que vers Bruges que ceux-ci qui leur donnaient la chasse perdirent leurs traces. Dans un gros village où ils se trouvaient, ils louèrent une voiture et 2 chevaux pour aller, dirent-ils, à quelques lieues et revenir le soir. Un cocher les conduisait. Arrivé au bord de la mer, Salambier l'aîné le frappa par derrière d'un coup de couteau qui le renversa de son siège. Les 2 frères le transportèrent ensuite à la mer, espérant que les vagues entraîneraient le cadavre. Maître de la voiture, ils poursuivaient leur route lorsqu'au déclin du jour, ils rencontrèrent un homme du pays qui leur souhaita le bonsoir. Comme ils ne répondaient pas, l'homme s'approcha en disant « Eh bien, Vandec, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Joseph. » Salambier dit alors qu'il a loué la voiture pour 3 jours sans conducteur. Le ton de cette réponse, l'état des chevaux, couverts de sueur, que leur maître n'eût certainement pas confié sans conducteur, tout inspire des inquiétudes aux questionneurs. Sans pousser plus loin la conversation, ils courent au village voisin et donnent l'alarme. 7 ou 8 hommes montent à cheval. Ils se mettent à la poursuite de la voiture, qu'ils aperçoivent bientôt cheminant assez lentement. Ils pressent leur marche, ils l'atteignent, elle est vide. Un peu désappointés, ils s'en emparent et la mettent en fourrière dans un village où ils se proposent de passer la nuit. À peine sont-ils à table qu'un grand bruit se fait entendre. On amène chez le bourgmestre 2 voyageurs accusés de l'assassinat d'un homme que des pêcheurs ont trouvé égorgé au bord de la mer. Ils y courent. Joseph reconnaît les individus qu'il avait vus dans la voiture et qui l'ont quitté parce que les chevaux refusaient de marcher. C'étaient en effet les 2 Salambiers que la confrontation de Joseph paraissait singulièrement déconcertée. Leur identité fut bientôt constatée. Sur le soupçon qu'ils pouvaient appartenir à quelques bandes de chauffeurs, on les transféra à Lille, où ils furent reconnus en arrivant au petit hôtel. Là, Salambier l'aîné, circonvenu par les agents de l'autorité, dénonça tous ses complices en indiquant où et comment on pourrait les arrêter. Par suite de ses avis, 43 personnes des 2 sexes furent arrêtées. De ce nombre étaient le maire et sa femme. On lança en même temps contre moi un mandat d'amener. Prévenu par un maréchal des logis de gendarmerie, à qui j'avais rendu quelques services, je pus me sauver et gagner Paris où je suis depuis 10 jours. Quand je t'ai rencontré, je cherchais le domicile d'une ancienne connaissance où je prévoyais pouvoir me cacher ou me donner quelques moyens de passer à l'étranger. Mais me voilà tranquille, puisque je retrouve Vidocq.